si long. Chaque soufflé cache une danse. Tes lèvres glissent comme un secret. Chaque mot sombre reste muet. Radeskill murmure dans l'ombre. Sa voix rauque, grave et sombre. Nos deux voix se fondent au noir. Chaque désir devient miroir. Whisper softly. Shadow calls my name through the night. Hearts combine. Writer's skill, your voice in mine. Born of darkness, carved in sound. Every whisper pulls me down. Writer's skill, eternal. And our voices haunt the ground. Ton souffle trace l'éclat du vent. Chaque frisson devient serment. Je ferme les yeux, l'ombre m'embrasse. Chaque mot brûle, chaque instant s'efface. Writer's skill marche dans la nuit. Sa voix rauque m'appelle, me suit. Nos murmures glissent dans l'air. Chaque désir s'attache à toi. S'élève dans le mystère. Chaque mot devient prière. Je sens ton souffle franchir mes murs. Chaque note résonne obscur. Skin. t'en souviens, je me perds encore. Chaque vibration m'appelle plus fort.